à la recherche du bonheur. Et je me souviens que je me suis dit, comment a-t-il su qu'il fallait utiliser le mot « recherche » dans son texte ? C'est peut-être que le bonheur est quelque chose que l'on ne peut que rechercher. Et finalement, ne jamais trouver, quoi que l'on fasse. Comment l'a-t-il su ? Je suis à la recherche de punchlines, de phrases et de rimes. À la recherche de bons moments, me taper des barres de rire. Je suis à la recherche de gens vrais, de nouvelles rencontres. Je veux pas finir seul comme un grand con, je m'en rends compte. Je suis à la recherche de la chance, car je voudrais l'épouser. Si seulement les trèfles à quatre feuilles dans mon jardin pouvaient pousser. À la recherche d'évasion, pour ça qu'on fume ou qu'on tise. Crois pas pour autant que ma vie soit synonyme de hantise. C'est juste que je rêve d'une autre vie que celle que je mène. Autrement dit, je suis à la recherche d'une vie que j'aime. Beaucoup de gens sont tristes, perdus, sont paumés de problèmes. Pour ça que je cherche une solution à tous mes problèmes. Je livre un combat contre l'ignorance à travers un armure. À la recherche de connaissances, car savoir est une armure. Je suis à la recherche de confiance et d'une ouverture. Recherche de silence, car c'est une vertu. Constamment à la recherche, même dans ma zik. Je suis à la recherche du bonheur, d'instant magique. Même à la recherche de moi-même, du travail en perspective. À la recherche de love, car sans lui je n'espère vivre. Constamment à la recherche, même dans ma zik. Je suis à la recherche du bonheur, d'instant magique. Même à la recherche de moi-même, du travail en perspective. Je persiste, car c'est dans la réussite que j'espère vivre. En ce qui concerne mes vrais amis, je ferai tout pour que nous le restions. À la recherche sans cesse de réponses à toutes mes questions. Je suis à la recherche d'autres paysages et d'air pur. Admiratif des gros freestyles qui font monter le mercure. Je suis à la recherche d'elle, car on n'avance jamais seul. À la recherche d'elle qui partagera mes heures. À la recherche de joies intenses ou d'extase. Je suis à la recherche de gens art comme Flextab. Ha, venu contrer l'esprit fermé des racistes incultes. Je vois large à la recherche d'autres contrées, de nouvelles cultures, de voyages. À la recherche de nouveaux jeux, de nouvelles saveurs. Je rappe depuis 8 piges, ils ne sont pas nombreux ceux qui savent. À la recherche de repères contre les fils de ma vie. Un bon père déjà à la recherche d'un prénom pour mon futur fils ou ma fille. À la recherche d'objectifs à atteindre, du moins s'en rapprocher. À la recherche de vraies valeurs auxquelles se raccrocher. Constamment à la recherche, même dans ma zik. Je suis à la recherche du bonheur, d'instant magique. Même à la recherche de moi-même, du travail en perspective. À la recherche de love, car sans lui je n'espère vivre. Constamment à la recherche, même dans ma zik. Je suis à la recherche du bonheur, d'instant magique. Même à la recherche de moi-même, du travail en perspective. Je persiste, car c'est dans la réussite que j'espère vivre. Constamment à la recherche, j'ai posé mes idéales. À la recherche du bonheur, à la recherche d'un idéal. Constamment à la recherche, même dans ma zik. Je suis à la recherche du bonheur, d'instant magique. Même à la recherche de moi-même, du travail en perspective. À la recherche de love, car sans lui je n'espère vivre. Constamment à la recherche, même dans ma zik. Je suis à la recherche du bonheur, d'instant magique. Même à la recherche de moi-même, du travail en perspective.